Directement des studios du 89 FM à Trois-Rivières, voici les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès Ifou pour la semaine du 9 au 15 mai 2008. Je m'appelle Mathieu Plante. Cette semaine, petite semaine stable dans le fond. Les choses sont tellement bonnes dans le palmarès qu'on a décidé de tout laisser comme ça, sauf deux nouvelles entrées. Une du côté anglophone qui s'appelle Protest the Heroes. C'est la formation avec Blood Meat. On commence avec la 15e francophone. Voici la descente du coude et Hobby. Au Palmarès Ifou, 89.1 FM. Dans ma biographie, mon CV est une page jouée. Je me cache dans des cratères, des évasions lunaires, en orbite autour des critères de sélection. Je manque de terre à terre. En orbite ou bien en temps, je suis à l'ordinaire dans l'opera. Le secret par secret des souhaits muets me confie au silence qui passe. Les mots tu les mordus, les sept tours de langue. Le tourbillon de la parole du sage, l'universel reportage. Ça va, la vérité en marche. En orbite ou bien en top, je suis à l'ordre. Dans le talon. Protest the Hero avec Blood Mead de l'album Fortress, la seule nouvelle entrée du côté anglophone en 15e position. Juste avant, c'était la seule francophone, la descente du coude avec Hobby qui vient de leur tout nouvel album Coup de foudre. On l'a reçu cette semaine, assez fou, et j'ai beaucoup aimé la descente du coude. D'ailleurs, c'était le poste d'or, l'album à écouter selon l'émission Le Poste d'écoute que j'anime les vendredis matin à 10h. 14e position du côté anglophone, elle monte d'une place. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière, Millen Collin avec Done is Done, mais juste avant, un bon vieux classique. La 14e position francophone, en tout cas, moi, je la considère comme un classique. L'ancien numéro 6 qui descend, donc... C'est dommage pour 1981 de Zuru, remixé par Asirka, que voici tout de suite dans vos palmarès. C'est fou, 89 FM. Yeah. Maren Collin avec Done is Done, 14e position anglophone, ça monte d'une place, c'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Le nouvel album de Maren Collin s'appelle Machine 15. Juste avant, c'était Zurung avec une 10e semaine pour la pièce 1981, mais elle descend de la 6e position, donc grosse chute pour Zurung. C'est un single remixé par Asirka. On est rendu aux 13e position, mais avant ça, regardons, qu'est-ce qui était numéro 1 la semaine dernière? Parce qu'on veut savoir si ça tient. Hein? C'est ça le summum de la grosse question de la semaine au Palmarès. C'est fou, c'est toujours de savoir qu'est-ce qui reste puis qu'est-ce qui s'en va. Hein? Numéro 1 la semaine dernière, c'était Elephantine du côté francophone avec En attente de moment présent. Et puis du côté anglophone, c'était Black Mountain avec Stormy High. Est-ce que ça tient? On va voir d'ici la fin de l'émission. En 13e position anglophone, on va entendre The Mars Volta avec Goliath de leur album The Bedlam in Goliath. C'était une nouvelle entrée ça, la semaine dernière, alors que les gigolos sont là pour une 9e semaine, sauf qu'ils chutent de la 7e pour aller à la 13e francophone. Voici la guerre des mondes des gigolos dans les Palmarès C'est fou au 89.1 FM, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Les palmes, c'est fou! Les palmes! The Mars Volta avec Goliath. Deuxième semaine de présence pour cette pièce de leur album The Bedlam and Goliath. C'était en 14e la semaine dernière. Juste avant, c'était les Gigolos qui ont pris une chute de la 7e position pour venir se loger en 13e, 9e semaine de présence. C'est sur sa fin, ça, la guerre des mondes des Gigolos. On espère bien avoir une autre pièce de ce groupe qui vient de Dolbo Mistassini. Mm-hmm. Leur EP, leur maxi de seulement quelques pièces s'appelle Fantasmagorique. On est rendu aux 12e position, mais avant ça... Tournons un petit peu la page pour voir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, parce que bon, pour ceux qui écoutent pas souvent les palmarès, c'est fou. Les palmarès, c'est pas juste le top 15 francophone et le top 15 anglophone, c'est aussi le top 10 électronique, le top 10 loud, le top 3 des disques canadiens et le top 30 des albums. Dans le top 10 électronique, quelques nouvelles entrées. En 9e, T. Rumschmier avec I, la lettre E. En 6e, Caned and Able avec Smoke, 3 petits points. En 5e, Femme avec Bathtub Clashes. En 3e, Bjork avec Wanderlust. La 2e est aussi une nouvelle entrée, Portishead avec leur album Third. Et en première place, c'est Stable Triphonic avec Emergence. Du côté du top 10 Loud, une seule nouvelle entrée. En 5e, Children of Bodom avec Blood Runk. En 3e position, ça descend d'une place, Creator avec At the Pulse of Capitulation. En 2e, c'est l'ancien numéro 1, Testament avec Formation of Damnation. Et la première place, c'est une montée de 8 pour Protest the Hero, qu'on a entendu un petit peu plus tôt dans l'émission avec Fortress. Top 3 des disques canadiens, aucune nouvelle entrée, tout est stable. En 3e, on retrouve la formation Elotrons avec Happymatic. En 2e, c'est Black Mountain avec In the Future. Et le numéro 1, c'est Creature avec No Sleep at All. Ne pas mélanger Creature et Creator avec un K. Top 30 des albums maintenant. Regardons s'il n'y aurait pas des nouvelles entrées. Non, il n'y en a pas. Tout est stable en termes de pas de nouvelles entrées. Là, tout change, évidemment. Les positions changent de place. En 3e, ça monte d'une place. Steve Hill avec Devil at My Heels. Ça fait 31 semaines que c'est dans le top des albums. Ça, c'est incroyable. Ensuite, on s'en va en 2e position. C'est l'ancien numéro 1, Black Mountain avec In the Future. Et le numéro 1 monte de 2 places. C'est Plants and Animals avec Park Avenue. 13e semaine de présence. On est rendu aux positions numéro 12. Du côté anglophone, c'est de Cooks, mais tout de suite, voici Guéris la poubelle. Et quand le ciel sera tombé, oh, pas mal, c'est fou, 89.1 FM. to be a hummingbird, whispers in her ear. Oh, now you know I just don't care. Les gens qui aiment les expressions clichés diraient peut-être « coup de cœur, j'adore The Coot ». C'est tellement bon. « Always Where I Need To Be », c'est le nom de la pièce. 12e position anglophone, montée d'une place. 3e semaine de présence, ça vient de leur album « Conk ». Et juste avant, c'était « Guéris la poubelle » avec « Quand le ciel sera tombé » qui monte de 2 places. Ça vient de leur album « Punk égale existentialisme ». Avant d'aller à nos 11e, voici un petit avant-goût de ce qui s'en vient plus tard dans vos palmarès. C'est fou, le condensé de la meilleure musique que c'est pas à vous offrir. Entre autres, on va passer quelques bons moments avec les gars de Vidon, là dans la question, l'émission d'humour extrême diffusée assez fou les mercredis à midi. On va aussi avoir, si les choses vont selon le plan qu'on a, là, il devrait y avoir une grosse surprise. Mais dans le domaine de la radio, on n'en parle pas avant d'être certain. Donc, grosse surprise, peut-être, d'ici la fin de l'émission. Ensuite, on va faire le top des albums vendus au Canada. On va aussi faire le top des CD les plus écoutés dans les radios universitaires. Et on va évidemment, oui, balayer le plancher. D'ici la fin de l'émission, on va parler donc des gens stupides qui font des choses stupides. C'est la chronique Le Plancher. Tout ça plus tard, mais avant, voici nos 11e positions du côté anglophone. C'est The Hives avec une autre pièce que j'adore, Won't Be Long. Ça descend d'une place. Mais tout de suite, voici Philippe B. Et la ville est là, que j'aime aussi, tu sais. C'est comme mes enfants, je vous l'ai déjà dit. Je les aime tous. T'sais, je les vois grandir. Ça va voir le numéro 1, c'est tellement beau à voir sur ta caméra. C'est les palmarès, c'est fou, 89.5. À mode étoile électrique, déjà les oiseaux métalliques volent plus bas. Et la radio capte les voix des animaux d'Amérique. 100 000 fréquences qui dansent au bout de mes doigts. La ville est là. Entends-tu se noyer le moteur? Je vois des lunes artificielles dans les vapeurs de diesel. Et je vois 100 000 toits, oui, mais un seul fait pour toi et la ville est là. de Palmarès, c'est fou, 89.1 FM. Restez avec nous parce que juste après la prochaine position qui est The Hive, on va passer un bon moment avec Fidon et dans la question. Le monde à l'envers, qu'est-ce qui se passerait si les gens du Québec aimaient la littérature au lieu du hockey? Dans quelques minutes, au Palmarès, c'est fou, 89.1 FM. Avec Won't Be Long en 11e position anglophone. Juste avant, c'était Philippe B avec La Ville est là. Et maintenant, c'est l'heure de l'entendre. Un des bons moments de... Bonjour les amis, bienvenue au concours d'expression orale de l'école du Saint-Nom de Bartholet. Le thème de cette année, c'est « Si le monde était à l'envers ». Donc, nos élèves ont écrit des compositions sur ce thème-là. Et on va tout de suite accueillir notre première participante, Miralie Ayotte. Si le monde était à l'envers, toute la population du Québec se passionnerait pour la culture savante, tandis que la culture populaire ne serait l'apanage que de quelques initiés. Si le monde était à l'envers, il n'y aurait qu'une poignée d'amateurs de hockey, tandis que la ville de Montréal vibrerait au rythme du combat des livres de Christiane Charrette. Le combat des livres! Partout, la fièvre du combat des livres s'est emparée de la population. Bon, avec les gars, hop, on fait rien que parler du combat des livres. Toutes les nouvelles à Poésie 30 Mag et ne manquez pas tout de suite après Ron Fournier pour l'après-combat des livres. Un vrai Serge sait défendre la littérature qui le tient à cœur. Molson X, fier commanditaire du combat des livres. Alors bienvenue mesdames et messieurs à ce premier match préparatoire en vue de la prochaine saison du combat des livres. Alors immédiatement, on va se rappeler des faits saillants du match décisif de la saison dernière qui opposait Nicolas Langelier à Serge Denoncourt. Si je ne gagne pas, c'est parce qu'il y a eu une volonté de faire... de faire intéressant. On sera connu comme un panel qui a voulu faire intéressant. En tout cas, parce que... c'est un jeu, on est d'accord. Je ne joue plus. Une saison dans la vie d'Emmanuel, c'est un livre consensuel aussi. C'est juste que c'est une autre sorte de consensus. Mais on va écouter Serge Denoncourt un peu répondre attends, à ça. Mais... c'est le consensus des profs de cégep barbus, des intellectuels amers. C'est le consensus des metteurs en scène polissons, comme vous. Évidemment, on se souviendra de Bernard Landry qui avait essuyé un vibrant échec. Oui, je l'admets, ce fut une erreur de réutiliser les mêmes arguments qu'en quart de finale. On le sait bien, vis repetita non placet. Monsieur Landry, ce serait pas plutôt le sixième joueur qui vous aurait déconcentré? D'abord, ce que j'aimerais dire sur mon livre... Mais laissez-moi parler. Laissez-moi m'exprimer. Ce qui marqua le combat des livres l'an dernier, ce fut la victoire de Nicolas Langelier et les célébrations qui avaient tourné au grabuge sur la rue Sainte-Catherine. Ce soir, Pierre, vous êtes en direct du Centre Bell où aura lieu le premier match préparatoire en vue de la prochaine saison du combat des livres. Oui, Pierre, je suis avec un jeune fan de littérature. Bonjour, Samuel. Allô? Donc oui, Samuel, tu me disais tantôt que toi et tes amis, vous parliez beaucoup du combat des livres ces temps-ci. Oui. Aujourd'hui, j'ai échangé ma carte recrue de Gaëtan Soucy contre la carte de Christine Brouillette de l'année qui a gagné le prix Alvier Bélisle. Oh! Je pense que j'ai fait un bon move. Oui, en effet. Alors, de retour à vous, Pierre et Pierre. Merci, Pierre. Donc, Pierre, si vous le voulez bien, on va jeter un bref coup d'œil sur ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey. Oui, Pierre. On va se diriger à la de Saint-Timothée où les Pingouins et les Canadiens croisent le fer. Malkin s'avance vers Carey Price, vise la partie supérieure et compte! Go, Carey! Never mind! You're the best, my son! Thank you, Dad. C'est ce qui s'en vient, en fait. Non, c'est pas ce qui s'en vient parce que dans la question cette semaine, c'est un spécial best-of de l'hiver 2 minutes au complet. Donc, j'ai pas choisi des best-of du best-of. Ce serait quand même un petit peu bizarre. Donc, à la place, j'ai choisi mes moments préférés. Et ça, c'est le sketch du monde à l'envers. Hockey versus poésie et littérature. Sketch que j'ai bien aimé. Ça vient de l'émission de la semaine dernière qui s'appelle Le monde à l'envers. Plus tard dans l'émission, je vais essayer de vous présenter d'autres sketchs. Un sur C'est quoi et un sur Danny Placard. Ça devrait être assez intéressant, mais on s'en va entendre pour l'instant, en position numéro 10 du côté anglophone, c'est Horror Pops avec Misfit qui descend de 3 places. C'est précédé de Dactylo Fidelity. Voici In Situ dans les palmarès, c'est fou. En passant, vidéo à droite, la question, c'est mercredi à midi, entre autres. Allez voir le cifou.ca pour toutes les informations sur la programmation et le videoladon.com pour en savoir plus sur Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault qui animent cette émission d'humour extrême. C'est la fin de la première heure des Palmarès C'est fou, donc on va se faire un petit résumé des positions 15 à 10 qu'on entend depuis le début. Du côté francophone, en 15e, c'est la descente du coude. Ensuite, Zorung. Ensuite, les gigolos, Guéry la poubelle, Philippe B. Et on vient d'entendre Dactylo Fidelity avec In Situ. Du côté anglophone, en 15e, c'est Protest the Hero. Ensuite, Millen Collin, The Mars Volta, The Kooks et The Hives. On vient tout juste d'entendre R Pops avec Misfit qui descend de 3 places. Reste avec nous parce que dans la deuxième heure des Palmarès C'est fou, il va y avoir plein de choses. Makin Kozapo, Assassin, Shotgun, Chocolat, Madman, Creature, The Cat Empire, Duchess 16 et bien d'autres. C'est les palmarès, c'est fou. Oh, 89 FM, restez là. Quelques secondes à peine passées, l'heure qui est en cours. C'est la deuxième heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 9 au 15 mai 2008. Je m'appelle Mathieu Plante. Dans cette deuxième heure, on va entendre les positions 9 à jusqu'à temps qu'on ait fini la deuxième heure. Ça va être malade, tu sais. Les chiffres sont pas tellement importants, c'est la musique qui est vraiment bonne. Du côté anglophone, la 9e, c'est The Cat Empire avec So Many Nights. Ça monte de 3 places, mais tout de suite, voici Makin Kozapo et sa pièce Miss Parano dans les Palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir au 89.fm. C'est fou, ça! Dites-moi que c'est pas fouillé pour moi. It's crazy that. Yeah. Crazy that. It doesn't matter what I do, it seems I'm gonna have to change my look for you. Cause, well, I've got two shoes, but they've been walked too far. And I think that we could float from evening to the stars. When I see you in the distance with your friends, I look around and I look down at my threads. It's inappropriate that I should present like a retired man and all we've unpaid rent. So many nights I still think about you. And so many nights you step in and I walk through. So he doesn't care. Step, he still comes, he's there. So what am I supposed to do? Well, I bought a suit and I bought a top hat. And I put a red strap down the side of my slacks. Went to the barber, got my hair cut high. And I bought a ticket for the opera tonight. Well, I see you, your modest and your pride. It's nice to greet you with an interrupted stride. Besides, you say good evening, you don't say good. Cat Empire avec So Many Nights, 9e position qui monte de 3 places, 3e semaine de présence. Ça monte, ça. Ça vient d'album So Many Nights. Juste avant, c'était Makin Kozapo avec Miss Parano qui monte d'une place. Ça monte ça aussi, tu sais. Hein? Tranquillement, pas vite, là, les choses montent vers le sommet. C'est comme l'huile, je pense, qui monte, en tout cas. L'album s'appelle Le Zèbre. On est rendu au position numéro 8, mais avant, retournons-nous vers les albums les plus vendus la semaine dernière au Canada. Hein? En 43e position, mettons qu'on va faire le top 50. 43e position, une nouvelle entrée pour Estelle avec Shine. En 32e, Doc Walker avec Beautiful Life. En 29e, Robin avec son album éponyme. En 26e, le nouvel album d'André Waters, Minuit. En 25e, l'album éponyme de Mudcrutch. En 14e, Roots avec Rising Down. En 7e, Def Leppard avec Songs from the Sparkle Lounge. Ensuite, top 5, Éric Lapointe avec Ma Peau descend de la première position pour se trouver à la 5e. En 4e, ça descend d'une place, Leona Lewis avec Spirit. Le reste, le top 3, c'est tout nouveau. En 3e, c'est l'album Third de Portishead. En 2e, c'est Sarah McLachlan avec Volume 2, Rarities, B-Sides and Studio quelque chose. Et en première position, vous l'aurez deviné, si vous êtes moyennement au courant de la scène musicale mondiale, c'est le nouvel album de Madonna qui s'appelle Heart Candy, qui est en première position du top des CD les plus vendus au Canada, selon Nielsen SoundScan. C'est pour la semaine qui se termine le 8 mai 2008. Nous, dans les Palmarès C'est Fou, par contre, quelque chose d'un petit peu plus proche de nous, c'est les 8e positions. Du côté anglophone, on va entendre Duchess 16 avec Cut Up. C'est précédé de Shotgun Voici En attendant dans les palmarès, c'est fou, 89 FM, c'est dans ta radio, ça! Hein? La tienne, la vôtre, la nôtre. écoutez les Palmarès, c'est fou. Restez avec nous parce que juste après la prochaine pièce de Duchesses, on va entendre un autre bon moment de Vidon à Don la question. Celui-là parle de c'est quoi? 89, c'est quoi? Au Palmarès, c'est fou au 89 FM. On n'a pas de slogan le fun, nous autres, de même. C'est juste dans vos oreilles. C'est fou dans vos oreilles. Droit au but. Claire. Duchess 16 avec Cut Up en 8e anglophone, précédé de Shotgun avec En attendant du public francophone. Maintenant, c'est déjà l'heure d'un autre très très très bon moment de... Vidon Ladon la question. Voici le sketch C'est quoi? C'est... Les parties qui commencent à 9h le soir et se finissent le lendemain. Après-midi à 3h30. Wouh! Amenez-en! Je suis capable d'en prendre. Alors, on se concentre sur le, ce qu'on a à faire. OK, alors on va s'en ouvrir une petite pour la route, mais attention, il ne faut pas se faire prendre. Mais le temps que j'y pense, c'est le retour à la maison. Les justiciers masqués, les justiciers masqués, c'est Koé. Encore une fois cette année, Chris FM récidive avec son grand tournoi de Toréador pour hydrocéphale. Et nous avons parlé de nos enfants. Il y a un Sergueï. Ils sont des gars, les justiciers masqués. Écoutez, c'est quoi au volant? C'est criminel! Ce message a été payé par le regroupement des musiciens de la relève, bas frustrés de pas jouer sur la radio commerciale. Prenons par exemple le Hoski, qui a envoyé son album à C'est quoi, mais n'a pas reçu de réponse. C'est quoi FM? Je m'adresse à vous. Faites donc jouer le Hoski. Come on, vous avez fait jouer Tricot Machine. Me semble que... J'ai sauvé la peau d'un petit ours. Que? Elle l'a tué, moi, l'ours! Êtes-vous content? Vidons la dans la question. C'était un autre bon moment de Vidons la dans la question, un sketch sur C'est quoi que j'affectionne particulièrement. Ça vient de l'émission qui s'appelait... Comment elle s'appelait? Avez-vous sans les mains? En tout cas, c'est un épisode très, très récent. Évidemment, la question, on s'en fout de bien. De quel épisode ça vient, hein, qu'un peu? Et donc, évidemment, la question, c'est les mercredis à midi, entre autres. Allez voir le cif.ca pour toute la programmation. Ça joue plusieurs fois par la semaine. Maintenant, on dose d'une heure pendant toute l'été. Tout l'été même, au masculin, comme vous le voulez, pendant tout l'été. Donc, dans la question, donc on diffuse ça en morceau d'une heure. Cette semaine, c'est un best-of de la session d'hiver 2008. Et ensuite, c'est le spécial sur la gastro. Donc, ça fait une très, très bonne heure de radio. Avec Vidon, allons la question, l'émission d'humour extrême avec Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault. Voilà qui est dit. N'importe quoi le nom de l'épisode, on s'en fout. On est rendu aux positions numéro 7 du côté anglophone. Et bien, c'est Man Man avec The Ballad of Butter Beans. Juste avant, voici Chocolat. Et piano élégant dans les palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir au 89.fr. stay sharp, cause I'm gonna free that black blood from that black heart. Or I'm gonna fry, with the smile on my face. You think you're so slick, I see no lipstick cross your dill snare. You think you're so slick, I see no lipstick cross your dill snare. Formation Man Man avec The Ballad of Butter Beans en 7e position, ça monte d'une place. Ça vient de l'album Rabbit Habits. Juste avant, c'était Chocolat avec Piano Élégant, qui descend de la 2e, donc 5 positions vers le bas. Ça vient de leur album du même nom, Piano Élégant. Avant d'en entendre nos 6e positions, en passant nos 6e, c'est Plasticine et Creature. On va se tourner un petit peu vers le palmarès, comme on l'appelle, de Earshot. Ça, Earshot, dans le fond, ce que c'est un rassemblement de le palmarès, dans le sens que, tu sais, pas le Earshot, ça c'est un magazine, on s'entend. Mais ce que c'est ici, c'est le palmarès des radios universitaires et des radios communautaires du Canada. Donc, c'est les CD les plus joués dans toutes ces radios-là. Et c'est très, très bon. Il y a beaucoup de choses qu'on joue ici, même assez fou. En 10e position, un de mes albums préférés du moment et un groupe que j'aime depuis très, très longtemps, c'est Flight of the Conchords, en 10e avec leur album éponyme. En 9e, la compilation Do You Wanna Talk All Night, a tribute to Small House. En 8e, c'est la formation Islands avec Arms Away. En 7e, on les joue souvent, c'est Elotrons avec Happy Matic. En 6e, Nick Cave and the Bad Seeds avec Dig Lazarus Dig. En 5e, un autre groupe qu'on joue souvent, Plants and Animals avec Park Avenue. En 4e, c'est The Black Keys avec Attack and Release. En 3e, notre poste d'or, il y a quelques semaines, Tokyo Police Club, à l'émission Le Poste d'écoute. Évidemment, Le Poste d'écoute, à l'émission que je l'aime le vendredi matin. Elephant Shell, c'est le nom de l'album. En 2e, Crystal Castles avec leur album éponyme. C'était aussi un poste d'or. Et en première position, The Constantines avec Kensington Heights. Voilà pour le top Earshot pour la semaine qui se termine le 6 mai 2008. On passe maintenant à nos positions numéro 6 dans nos palmarès. C'est fou. Du côté anglophone, c'est Creature avec Bridget Bardot, l'ancien numéro 2. Mais tout de suite, voici Plasticine et Zazie fait de la bicyclette la nuit. En 1966, Mini Juppé Pop Music, Twiggy Flana Carnaby, et Zazie part dans la nuit. Zazie fait de la bicyclette, bicyclette, bicyclette. Zazie fait de la bicyclette, bicyclette, bicyclette la nuit. Zazie fait de la bicyclette la nuit. Zazie fait de la bicyclette. Bridget Bardot. I know her better. Make an escape like Bridget Bardot. Get me out of here. Take it to the place. It's a party, yo. I know, I know. Inside, outside, everywhere I go. Things are getting heavy and it's keeping me low. I've got to get away from the world I know. Break free, let it be out of control. Flip side, right side, all around. Time to listen to my rhythm and leave this town. Cause I wanna hit a place that is off the ground. So I get into a spaceship and get up and get down. Bridget Bardot! Mais quelle pièce estivale! La numéro 6 anglophone qui descend de 4 places juste avant, c'était Plasticide avec une autre pièce très été. Jazzy fait de la bicyclette, ça monte de la 15e, donc c'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Ça vient de leur LP1. On est déjà rendu dans notre top 5. Nos prochaines positions sont bien les 5e, Bivouac et Supergrass. Mais avant, je vais vous dire quelques affaires qui s'en viennent dans l'émission de ce soir. Si tout va bien, on devrait avoir une surprise pour vous. Mais comme c'est de la radio, on sait jamais, donc on l'annonce en avance. Hein? C'est ma phrase toute faite pour ces affaires-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir de la bonne musique, évidemment. Et sans oublier le plancher. Oui, on va parler de gens stupides qui font des choses stupides d'ici la fin de l'émission. D'ailleurs, je suis en train de commencer la préparation de ça. Cinquième position anglophone, c'est Supergrass avec Bad Love. Et tout de suite, voici Bivouac qui est dernier round dans les Palmarès. C'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir seulement au 89.1 FM. Ça pourrait pas être ailleurs, vu que ça s'appelle Les Palmarès, c'est fou. C'est un peu difficile à diffuser ailleurs, tu sais. Ça fait trop bien. Game faut croire, le contexte tombe, le cortex qui défonce. Comme elle brille, ses yeux défilent, en train de gamin, dans le temps, en somme elle quitte, il est casse. Où est-elle qu'elle s'en fiche? Supergrass et Bad Blood en cinquième position anglophone, c'est tout à fait stable. Ça vient de leur album Diamond Hoo Ha. Juste avant, c'était Bivouac avec Dernier Round qui monte directement de la 12e. Ça va très bien pour Bivouac. Leur album, c'est le synopsis de notre histoire. On est rendu aux positions numéro 4 de nos palmarès. C'est fou. Comme les choses vont bien, on aime ça quand il y a la bonne musique pendant 3 heures dans un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir avec moi, Mathieu Plante, dans les palmarès. C'est fou, c'est comme ça qu'on appelle ça. Vous, ben, on vous appelle les palmiers parce que vous êtes fin, vous êtes beau, vous êtes santé bon en plus. Quatrième position anglophone, Los Campesinos avec Death et Los Campesinos, mais juste avant, voici Carquois. Échappé au sort, au palme, dans votre radio, au 89.1. Los Campesinos avec Death to Los Campesinos. Ça monte de la 6e à la 4e anglophone cette semaine. C'est leur album Hold On Now, Youngster. Juste avant, c'était Carquois avec Échappé au sort qui monte d'une place. Ça vient de leur album Le Volume du Vent. C'est déjà la fin de la 2e heure des Palmarès C'est Fou. Donc, petit résumé rapide des positions 9 à 4. Oui. Du côté francophone, Michael Kozapo est en 9e, suivi de Shotgun, de Chocolat, de Plasticine, Bivouac et Carquois. Du côté anglophone, en 9e, c'est de Cal Empire. En 8e, Duchess 16. Ensuite, Man Man, Creature, Supergrass et Los Campesinos. Dans la 3e et dernière heure des Palmarès C'est Fou, on va entendre des choses très très variées dans aucun ordre précis. Il va y avoir du Elephantine, du Bonjour Brumaire, du Pas Chic Chic, du Black Mountain, Plants and Animals et Steve Hill. Reste avec nous, c'est Palmarès C'est Fou, un condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir au 89.fm. Bon retour, c'est la 3e heure des Palmarès C'est Fou pour la semaine du 9 au 15 mai 2008. Je m'appelle Mathieu Plante. Bonjour à vous, Trois-Rivières et ailleurs, là. Je vous rappelle en passant qu'on est en rediffusion pour tout l'été, les mercredis à partir de 16h et les jeudis à partir de 15h. Mais on est toujours en direct les vendredis soirs de 17h à 20h. Si vous voulez vivre la folie musicale qu'on vous prépare en direct, ben soyez là le vendredi soir. Il y a tellement de plaisir à avoir en écoutant les Palmes au 89.1 FM. Alors, cette 3e heure, il va y avoir le top 3. Des deux côtés, du côté francophone et anglophone. On commence avec les troisièmes. Du côté anglo, c'est Steve Hill avec Long Road, un artiste local. Mais juste avant, voici Bonjour Brumaire et la fin à petit feu dans vos palmarès. C'est fou! Oh, que c'est bon ça dans vos oreilles! Oh, que oui! Je n'ai pas arrêté de voir ailleurs comme un terrain miné. Mes jours à flotter derrière toi sont comptés. Et songer aux instants rompus, est-ce avouer qu'ils sont trop présents? Le vent ne transportera plus tous ces moments. Non, non, non, non, non, non, non, non, c'est à ne pas savoir comment s'y prendre. Non, non, non, non, non, non, non, non, si je pars à petit feu, c'est qu'aller trop vite me fait peur. Si je pars à petit feu, c'est pour éviter les erreurs. Si je pars à petit feu, la fin c'est une longue entente. Plus on y songe, plus elle est fébrile. La certitude c'est une conne qui se défile. Je n'ai pas arrêté de croire qu'ailleurs ce ne sera pas comme ici. Les soirs à traîner derrière toi sont écrits. Je ne sais pas lire entre les lignes. Je ne sais pas lire entre les lignes. Savoir comment s'y prendre. Si je pars à petit feu, c'est qu'aller trop vite me fait peur. Si je pars à petit feu, c'est pour éviter les erreurs. Si je pars à petit feu, c'est qu'aller trop vite me fait peur. Si je pars à petit feu. Dans le fond, je ne suis qu'un vrai peureux qui part, qui disparaît à petit feu. Dans le fond, je ne suis qu'un vrai peureux qui fuit, qui disparaît à petit feu. Tout cela n'est Avec Long Road, troisième position anglophone, ça monte d'une place. Steve Hill, son nouvel album, mais il est pas du tout nouveau. Il est récent, je veux dire. C'est Develop My Hills. Juste avant, c'était Bonjour Brumaire avec La Fin à Petit Feu qui monte elle aussi d'une place. Leur album, c'est De la nature des foules. Les gars et la fille de Bonjour Brumaire, c'est toujours aussi excellent. On est rendu à nos deuxièmes positions déjà dans les palmarès. C'est fou. Du côté anglophone, c'est l'ancien numéro 1. Et là, je regarde, là, et les deux numéro 2 sont les anciens numéro 1 de la semaine dernière. Donc, on a deux nouveaux numéro 1. Hein? Wouhou! C'est très excitant. Du côté anglophone, c'est Black Mountain avec Stormy High. Mais juste avant, voici les Fantines. Et en attente d'un moment présent, tout de suite, dans le condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. Pas nécessairement avec le meilleur animateur, par contre. C'est des palmarès C'est Fou au 89.fr. Vocal que vous tentez de rejoindre est présentement pleine. Et si je rappelais vendredi?

Black Mountain avec Stormy High, position numéro 2 anglophone, c'est leur album In the Future. Juste avant, c'était nos amis d'Elephantine avec En attente de moment présent. Ça, c'est l'ancien numéro 1. En fait, des deux côtés, c'est les anciens numéro 1 qui se ramassent en deuxième. Mais l'album d'Elephantine est un maxi et s'appelle Sous le règne d'un lampadaire. On est déjà rendu à nos numéros 1 dans les palmarès. C'est fou. Il est à peine 15 minutes passé l'heure dans laquelle vous êtes en train de nous écouter. Parce que je vous rappelle qu'on est en direct les vendredis soirs de 17h à 20h en rediffusion les mercredis à 16h et les jeudis à partir de 15h pour tout l'été. Le condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir s'étend sur la programmation de C'est fou. Allez voir l'horaire d'été d'ailleurs sur le www.cifou.ca. Il y a plein de bonnes choses à entendre dans votre radio. Nos numéros 1 du côté anglophone, c'est Plants and Animals avec Bye Bye Bye. Ça monte de 2 places. Ça a pris seulement 6 semaines pour se rendre au numéro 1. Et du côté francophone, ça monte de 2 places. Ça a pris 7 semaines. Voici Pas Chic Chic et Aidez Morcelé. Je me rends compte que j'ai pas fait de jeu de mots ce soir. Ah, je l'ai fait après. Ça me reste fou 89 FM. Monica, me tromper, je n'y vois que ça. Cette mini-jupe de J-Mod et ses bottines ou ses jambes. I'm not afraid to die. Plants and Animals avec Bye Bye Bye, le numéro 1 des palmarès anglophones de C'est fou. Juste avant, c'était le numéro 1 francophone, Pas Chic Chic avec Aidé Morcelé qui monte de deux places. Même chose du côté anglophone. Avant ça, les deuxièmes positions, c'était Éléphantine avec En attente de moment présent et Black Mountain avec Stormy High qui descendait de la première. Et puis en troisième position, les deux montaient d'une place. C'était La fin à petit feu de Bonjour Brumaire et Long Road de Steve Hill. Ça sent la fin de la première partie des palmarès C'est fou. Vous savez qu'on se quitte comme ça après les numéros 1 pour revenir après l'entracte avec Écoute là dans la chanson. Ce soir, je vais faire entendre de bons vieux classiques des palmarès. Je vois à ma droite du 4D et du Jean Leclerc, mais on va aussi entendre du Flight of the Conchords et la descente du coude. Je vais leur donner une autre bonne pièce. Peut-être même qu'on s'ajoutera une autre pièce de Bonjour Brumaire. Voyons comment les choses avancent d'ici la fin de l'émission. Il va aussi y avoir un bloc Le Plancher. On va parler de gens stupides qui font des choses stupides. Il nous reste un dernier moment. Devidons là dans la question. Je vais prendre ça en note pour être sûr de rien oublier d'ici la dernière quarantaine de minutes, un petit peu moins que ça, ici dans les palmarès C'est fou. Donc, vous écoutez un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Je vous rappelle, nos heures de diffusion sont toujours en direct les vendredis soirs à 17h. On rappelle les mercredis à 16h et les jeudis à 15h. Et vous pouvez aller voir le www.unechance.com pour toutes les informations de l'émission d'aujourd'hui, les pièces qu'on va jouer dans notre bloc et qui tourne dans la chanson, les liens vers les gens stupides qui font des choses stupides et la balado-diffusion même à entendre en MP3 si vous voulez vous taper une bonne vieille émission des palmarès C'est fou circa 2006, si ça vous tente. Pas obligé, par exemple, je suis un petit peu moins bon. Non, c'est pas vrai. Hein, c'était pareil comme aujourd'hui, pareil, j'avais la même voix. Tu sais, j'ai pas mué depuis l'année passée, en tout cas. Hey, palmarès C'est fou, continue dans deux minutes avec toi dans la chanson. Reste avec nous, bye bye. Pendant 34 minutes, après les palmarès C'est fou, voici Écoutons-la donc, la chanson. Bonjour, bienvenue à la deuxième partie des palmarès C'est fou, l'émission dérivée qu'on appelle Écoutons-la dans la chanson. À chaque semaine, moi-même, Mathieu Plante, je vous permets d'entrer dans mon intimité. C'est-tu pas un privilège pour vous, ça? Pas vraiment, mais quand même, je vous présente de la bonne musique, donc aussi bien rester avec nous jusqu'à la fin pour savourer ces bonnes pièces que je vous présente. Ça peut être des vieilles pièces qui ont passé par les palmarès, ça peut être des choses que j'ai découvertes récemment, ça peut être des choses que j'aime. On se lâche lousse dans cette dernière demi-heure des palmarès, c'est fou. Donc, je vais commencer ça avec un bon vieux classique des palmarès. Ça fait pas si longtemps que ça a quitté nos palmes, mais quand même, c'est du 4D. Son album le plus récent s'appelle L'Équanimité. Et on écoute tout de suite Les morts vivants sifflent. Et ils ne sont pas morts. Dans les palmarès C'est fou présentes, écoutons-la donc, la chanson. Les rues sont désertes et le pavé est brouillé. Les morts vivants perdent des bras et le sang. Ça siffle et ce n'est pas vivant. Crache dans les poubelles pleine de verre et de nourriture souillée. Tourne ta tête et regarde-les venir vers toi, ce sont des renégats. Cours le plus vite que tu peux. Tu sentiras que tu vis en ennemi. Le nez te saigne, tu lances des roches. Par la fenêtre, tu vises les torches. Et le pavé est mouillé. Les morts vivants cœur, elle fonce vers moi. L'impie, l'imprudent, l'impertinent. Ce sont des déserteurs qui quittent les corps morts. Tu les traverseras. Ils sont debout et sont muets, mais larmes mangent vos épaves. Elles sont le cœur, elles foncent vers moi. L'impie, l'imprudent, l'impertinent. Moi qui ai tué Vincent, je suis la mère de ses enfants. Vincent était un moins que rien, il nous battait comme son chien, qui jappait au bout du poteau, qu'il fasse froid, qu'il fasse beau. Je revendique l'assassinat. Vincent était un piège à rat, le meurtre était prémédité. L'avion s'envole pour le Mexique. Bientôt la plage, les sommeils lourds. Et je perdrai tous ces kilos en trop. Ah, le couple, putain. À gauche, à droite, mes enfants bien habillés et souriants. Les enfants, on part en vacances, c'est aujourd'hui qu'à nous la chance. Non, papa, papa ne reviendra plus. Papa est allé voir Jésus. Ah, les enfants, vous auriez vu le bel endroit de thérapie, c'est maman qui l'a reconduit. Les anges, le Saint-Esprit. C'est moi qui ai tué Vincent. Je suis la mère de ses enfants. Le fusil tombe sur le plancher. Retombe le poids des années. Vite l'école, vite les enfants. L'aéroport, les souliers blancs. Vincent qui plonge l'air étonné dans la lasagne gratinée que j'avais préparée. À mes enfants, quel appétit quand le coup est parti. Je ne regretterai personne. Aucun ami ne m'a aidé. Aucun ami, je vous pardonne. À part peut-être ce plombier, puis ce policier. Ouais, le policier, je l'avais baisé. Quand je serai belle à nouveau. Quand j'aurai perdu ces kilos en trop, je les appellerai peut-être. J'ai gardé leur numéro. L'avion atterrit au Mexique. Vite les enfants, les souliers blancs. En taxi, nous longerons la mer. Nous prendrons ensuite l'autobus. La longue route pour le Belize, le Salvador et plus encore. J'achèterai une voiture. Et nous trouverons ce village en bord de rien, en bord de plage. Les enfants, vous irez à l'école et nous apprendrons l'espagnol. Et je perdrai ces souvenirs. Et je retrouverai ce sourire. Et plus aucune ressemblance entre moi et ces circonstances. Et cette jeune fille que je serai. Et cette grosse sur la photo que l'on voit parfois sur la route. Placardée sur les poteaux. Et que la pluie efface tout. Et que la pluie efface tout. Drug addicts and young fellows, South American airport toast, rich white keys and dinner rolls, bienvenido, Mexico. Bienvenido, Mexico. Fat Canadians and French rockers, cheap Germans, rich surfers, bienvenido, Mexico. Jean Leclerc avec la pièce titre de son album Mexico. Avec ton adore la chanson, c'était précédé de 4D avec la pièce Les morts vivants siffles, ils ne sont pas morts. Je veux dire, ils ne se ressemblent pas. Son album L'équanimité, c'est très très bon ce bloc. Écoutons la dans la chanson. Le prochain bloc, disons qu'on se. On se fait un petit bloc post-d'or. C'est pour les gens qui écoutent le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous, que j'aime les vendredis matin à 10h, entre autres. Vous savez qu'on nomme un poste d'or à la fin de chaque émission, si on le fait pas en nom, on le fait sur le site internet au moins. Et depuis les deux dernières semaines, il y a eu des choses vraiment très très bonnes. Cette semaine, notre coup de cœur, comme on pourrait dire, c'est l'album Coup de foudre de La descente du coude. Donc on va l'entendre ça. Tantôt, on a entendu la pièce Hobby, qui est en position numéro 15 de notre palmarès en nouvelle entrée. Par contre, ce soir, je vais vous faire entendre Allergie. Et puis juste après, ce sera le poste d'or de la semaine dernière. Ma formation préférée, dans mon top 10 de ma vie au complet, c'est une formation comique néo-zélandaise. Ils ont, entre autres, une émission de télé surréaliste un peu, où ils ont des vidéoclips, c'est vraiment musicaux à l'intérieur d'une sitcom traditionnelle. C'est quelque chose de très très bon. Il faut aller voir sur YouTube, taper Flight of the Conchords. Leur album est éponyme et on va entendre une pièce de cet album-là que je déciderai plus tard. On commence avec La descente du coude, leur album est Coup de foudre et voici Allergie. Écoutons-la donc, la chanson. La deuxième partie des palmarès, c'est fou! Au 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières, partout en Mauricie et sur internet sur cestfou.ca. Amusez-vous donc. Elle lisait Le Capital sur le boulevard industriel. Une étincelle à temps partiel. Les souhaits à shop, à la shop. prince of parties. You're a tasty piece of pastry. You're so lighty, flighty, flaky. I go where the party takes me. Junkie, you're a funky, funky donkey. You're a picture of the devil's daughter. I'm a picture of holy water. Oh, pretty prince of parties, where's the party now? I don't know. Oh, pretty prince of parties, where does water go? I let it flow. Oh, pretty prince of parties, can I come to your party? No. Oh, pretty prince of parties, where do you get your clothes? They're made of snow, pretty party clothes, crocheted of snow. I'm the Mickey Maury minstrel, you're the high priestess of tinsel. I'm the guru god of ganja, Ramashalanka, Lanka, Ravi Shankar. La la la la la la la la la la la la. Light of the Concourse. La pièce The Prince of Parties. Maintenant, ça me tente de l'entendre une autre pièce, un double header, comme on appelle un back-to-back. Voici A Kiss Is Not a Contract. Flight of the Conchords. Écoutons-la donc, la chanson. A kiss is not a contract, but it's very nice. It's very nice. Just because you've been exploring my mouth doesn't mean you get to take an expedition for the south, no. A kiss is not a contract, but it's very nice. It's very, very nice. Just because we've been playing tonsil hockey doesn't mean you get to score the goal that's in my jockeys. Just because I'm in a two-man novelty band doesn't mean it's all about Boomtang. I can't go around loving everyone. I just wouldn't get anything done. You could take me out to dinner, that might be quite nice. Buy me a burrito and some beans and rice, but that won't get you into fans' paradise. They call it a fire because it takes you up to heaven, oh, oh. A kiss is not a contract, but it's very nice. It's very, very nice. I'm only one man, baby, pretty baby. We're only two men, ladies, the babies, the pretty babies. Kiwan, un baiser, c'est pas un contrat. Hein? Ben, faut que ça soit mentionné quand même, là. Faut ben, le savoir. Ouais. Il y a des règles là-dedans. Ben, c'est ça. C'est pas juste dire à la fille, gars, je t'ai embrassé, ça veut pas dire qu'on s'en ressemble. Faut que tu le saches avant, faut que tu sais, faut que ce soit une affaire, là, tu sais. En tout cas. Flight of the Conchords avec Kiss Not a Contract. Explique-nous la vie, Mathieu, s'il te plaît. Je pense que je vais laisser faire, j'ai pas assez d'expérience là-dedans. Avant ça, c'était la pièce The Prince of Parties de leur album. De leur album de... Ça, c'était le thème de Scooby-Doo. C'est du scat qu'on appelle. Ah ouais? Flight of the Conchords, un groupe comique néo-zélandais. Allez voir le clip en particulier de A Kiss Is Not a Contract. Il est très drôle. C'est ta suggestion? Absolument, c'est ma suggestion pour l'été au complet. Allez vous divertir là-dessus pendant que vous n'avez rien à foutre. Parlant de gens qui ont rien à foutre, parlons de gens stupides qui font des choses stupides. Rien est toujours aussi douteux qui me reviennent en pleine face des fois, mais que voulez-vous? On commence avec un jeune homme de 22 ans qui s'est gravement blessé en tombant du deuxième étage d'un immeuble à Grenoble alors qu'il participait à un concours de crachat lors d'une fête bien arrosée dans un appartement. Le jeune, dont l'identité n'a pas été précisée, est tombé vers 2h50 dans la nuit de jeudi à vendredi dernier sur le pare-brise d'une voiture stationnée au bas de l'immeuble. Transporté au CHU de Grenoble, il souffre d'une fracture du fémur et d'un traumatisme crânien. Ses jours, par contre, ne sont pas en danger. Selon ses amis, la victime aurait voulu prendre son élan en courant à travers la pièce pour cracher le plus loin possible dans la rue. Il n'a pas pu s'arrêter en arrivant sur le balcon. Il a alors basculé dans le vide. Ah, c'est une bonne technique. Je connaissais pas cette technique-là pour les concours de crachat, mais c'est quand même bien. Mais on dit pas par contre s'il a gagné ou s'il a perdu. On sait pas. Je sais pas. En tout cas, j'espère qu'il a gagné au moins ses services médicaux payés par ses amis. Il faudrait, là. Absolument ridicule. Ensuite, on passe à un grand-père britannique qui a été si impressionné par le lancer de ballon de son petit-fils de 6 mois qu'il a décidé de parier que le bébé deviendra joueur de rugby professionnel, selon le Portsmouth News, un quotidien de l'Angleterre. Le grand-père de 51 ans, Les Aho, let's go, a misé 100 livres, environ 200 $ canadiens, à 1000 contre 1 auprès de la société de Paris William Hill sur l'avenir du rugbyman professionnel de son petit-fils. Si le petit George Brown est sélectionné dans l'équipe de rugby d'Angleterre, le 15 de la Rose, à l'âge de 25 ans, le grand-père gagnera environ 200 000 $ canadiens. Et je cite, « Il a un long chemin à parcourir avant de réussir. Il ne s'y est pas encore complètement assis, mais je pense qu'il peut y arriver. Je ne veux pas trop le pousser. Il pourrait tout aussi bien détester le rugby et devenir danseur de ballet. Ah. » Belle chose. Miser, en tout cas, faut être riche, premièrement. Pour avoir rien à faire comme ça. Bon. Non, mais son investissement est quand même pas si grand. Là. Tant qu'à ça, moi je dis, il pourrait investir un peu ailleurs. T'sais, on dit toujours qu'il faut diversifier ses placements. Moi, je mettrais peut-être un petit cent sur fleuriste ou ballerin, justement. T'sais. Oui, coiffeur. Ben, tu sais, au cas où. Ça pourrait arriver. En tout cas, 200 $, c'est pas si pire. T'as raison, 200 $, ça se place bien. Pour 200 000 dans 25 ans, je veux dire. C'est comme les actions, dans le fond. Voilà. Les gens qui ont misé sur IBM dans le temps, alors que c'était pas super populaire, ils ont gagné quelque chose, tu sais. Le squelette d'une femme de 93 ans a été retrouvé sur le canapé de son salon à Dallas. Les autorités ont déclaré que des gens auraient vécu dans les lieux sans s'en apercevoir. Les voisins ont déclaré avoir vu plusieurs voitures aller et venir les semaines précédant l'arrivée de la police. La perquisition a été faite à la demande d'un habitant du quartier qui soupçonnait quelque chose. Des mois s'étaient en effet écoulés sans que quiconque s'aperçoive, la personne âgée qui vivait dans la maison. L'enquête laisse la police dubitative. Et je cite, ce qui est étrange, c'est qu'il semblerait que des personnes aient vécu ici pendant quelque temps, et ce, en présence du corps. Le squelette d'un chien a également été retrouvé dans une autre pièce. Les enquêteurs supposent que le squelette appartient à la vieille dame qui habitait les lieux auparavant. Le test d'ADN viendra confirmer ses dires. Tu sais, appétissant. Ouais, ça ne doit pas sentir bon dans ce coin-là. Hein? Non, à des kilomètres à la ronde, on peut s'imaginer. Et le chien aussi. Un Serbe a décidé de construire des ruches en forme de monastère, considérant que les abeilles avaient, elles aussi, une âme. Ce bonhomme Jeftik, qui a construit ses mini-églises à l'image des églises orthodoxes et des monastères en Serbie, s'explique, et je cite, « En modelant ces ruches, j'ai réuni les deux grandes passions de ma vie, les abeilles et la religion. » Ainsi, Slobodan explique qu'en plus de prendre soin des abeilles et de leur milieu de vie et de leur miel, il s'occupe également de leur âme. Wow! Ça peut-être l'aider pour son déjeuner aussi, avec le miel. J'espère. Ah, la religion, que voulez-vous? Et on termine avec un Américain qui a été arrêté après que la police ait découvert quelques 300 cadavres de chats entassés dans trois congélateurs à son domicile de Sacramento, dans le nord de la Californie. Selon le journal Sacramento Bee, ça pointe-tu? Sacramento Abeille, Bee. C'est le lien entre les deux nouvelles. 30 autres chats vivants, ceux-là, ont également été découverts dans la maison de cet homme de 47 ans qui vivait avec sa mère octogénaire dans cette maison dont les sols étaient recouverts de déjections félines. C'est sûrement, dans le fond, dans le futur, ça va reproduire le cas d'avant avec femme. Il y a vraiment une super thématique dans ta chronique aujourd'hui. C'est un peu morbide, hein? Ouais, il y a eu aussi le thème de la morbitude qui revient. Morbitude! La morbidesse, qu'on dit. Excuse-moi. Mauvais français. Surveille ça, là, c'est pas correct. Si vous voulez voir les liens, relire ces articles, c'est sur le www.unechance.com. www.unechance.com, unechance.com. Hein? Non, mais c'est quoi qu'on dit, morbide? Morbidité. Morbidité, ah oui, c'est vrai. C'est comme obésité morbide. OK. Ah, ben morbidité obèse. Je vais retenir le truc. C'est Apprenons le français avec Mathieu et Kiwan. Nouvelle chronique. Oui. Et il reste une dizaine de minutes à l'émission sans entendre des gens qui ont un petit peu gâché la surprise. On n'en a pas parlé depuis le début de l'émission parce que c'est plate de faire ça à la radio, mais on était supposé avoir Bonjour Brumaire, tu sais. Fait que là, tu viens, finalement, c'est toi qui viens de gâcher la surprise. C'est absolument moi qui viens de tout gâcher, mais à la place, on va faire comme une genre de promotion de leur spectacle. Ouais, ils méritent quand même. Ben, ils méritent une bonne plug. On les aime, Bonjour Brumaire, quand même. Leur spectacle commence ce soir, vendredi 9 mai à 20h à la salle Anaïs Allard-Rousseau de la Maison de la Culture. Ils sont en première partie d'Alpha au Coco. Vous avez encore le temps de vous rendre. Ça coûte, je crois, 15 ou 16 $. Je pense que j'ai vu 20. T'as vu 20? Je pense que oui. Dépêchez-vous un peu, ça vaut la peine. Ouais.

Bonjour Brumaire avec cette bête de leur album De la nature des foules. Ils sont en spectacle dans moins de 5 minutes les vendredis soirs. Courez jusqu'à la salle Anaïs à la Rousseau pour les voir avec Alpha Rococo. Juste avant, c'était la formation Flight of the Conchords, Kisses Not a Contract. On a entendu aussi du Jean Leclerc, on a entendu du 4D. Tout ça, c'est sur lunechance.com si ça vous intéresse de connaître les pièces qui ont joué aujourd'hui. Je suis toujours en compagnie de Kiwan. Oui. Oui, qui allume la dernière porte à gauche après nous, après les Pamarais, c'est fou. Ça fait quelques semaines que je lui dis que je vais le faire et là, j'ai le temps. Donc, voici enfin. Un très bon moment de. Dans la question avec Danny Placard. T'as pas acheté un album dernièrement? Oui, lundi j'ai été dans un comment qu'on appelle ça donc déjà? Un magasin de disques. Écoute, depuis que je download illégalement, je me rappelle même plus comment ça s'appelle. Oui, et j'ai pour vous une primeur. Écoute. Qu'est-ce que c'est? Tu sais, le dernier album de Danny Placard, Raccourci. Oui, très bon album de Danny Placard, oui. Donc cet album-là, savais-tu qu'il en existe une version raccourcie? Donc une version raccourcie de Danny Placard. Ouais, j'ai acheté ça lundi, en cassette à part de ça. Et ça dure combien de temps? Écoute, un beau gros 25 secondes. Ouais, tout un investissement, mon Matt. Ben écoute, Luc... Danny Placard a gardé rien que l'essentiel sur la version raccourcie de son album Raccourci pour qu'on puisse saisir là, l'essence de son œuvre. Je te gâche que Yank a gardé les bouts où il parle de son troc. Je te le dis pas. Donc on écoute ça, évidemment, là-dedans la question. Une version raccourcie de l'album Raccourci de Danny Placard. Par la vie de mon pick-up, lui a un gros troc. À sur le dash de mon pick-up. Dans mon pick-up. Pick-up. Mon troc-troc. Mon pick-up troc. En arrière du trailer de ton troc. Ah, une version raccourcie de l'album Raccourci de Danny Placard. Écoute, une fois qu'on a cette version-là, on veut plus retourner à l'autre. C'était, selon moi, un très, très bon moment de Vidon alors la question, l'émission d'humour extrême animée par Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault. C'était pour Kiwan, ça? Il faut cette pièce-là dans le palmarès. Faut la 45 secondes de bonheur. Ça serait bon. Hein? C'est l'album au complet, résumé par ses meilleurs moments. L'essentiel. C'est déjà la fin de notre émission pour cette semaine. Il nous reste à peine quelques secondes pour se dire au revoir. Donc, Kiwan nous suit avec la dernière porte à gauche. Qu'est-ce qui s'en vient? Entre autres, en nouveauté, ce que tu as découvert pour nous aujourd'hui, Pomerleau, qui m'a beaucoup intéressé, puis aussi le nouvel album de la descente du coude, j'en avais fait jouer la semaine passée, mais on va continuer à le faire jouer parce qu'il faut que ça monte, il faut que la descente monte dans le palmarès. Hey, donc, le lien, toi, on dirait moi. Ouais, j'ai arrêté de me prendre pour Mathieu Plante. Arrête de m'imiter, on a assez de 24 heures de Mathieu Plante dans ce film. Ouais, c'est assez. Puis sinon, il va y avoir du Françoise Breu, puis je vais me faire plaisir, je vais faire passer une pièce des goules. Oh, ben, le party ça faisait poignée. Longtemps, ça faisait longtemps. C'est la dernière porte à gauche les vendredis soirs, ça nous suit à 20h. À 20h. En rediffusion? Lundi 15h, mercredi 11h et samedi 16h. Qu'il fait bien son travail. Pas pire, hein? Moi, je vous retrouve à la connexion, l'émission d'informatique et de jeux vidéo. Et puis dans le poste d'écoute, l'émission de découverte musicale. Ça, c'est sur le cif.ca si vous voulez toutes les heures de diffusion. Nous, on est en direct les vendredis soirs à 17h. On rappelle les mercredis 16h et les jeudis à 15h. On se quitte et à la semaine prochaine. Bye bye! Kiwan vient de me dire qu'il dit jamais salut. Kiwan dit salut. Ouais, c'est super impoli. Il dit jamais salut à tes auditeurs, Mathieu. Oh! On t'aime, Kiwan, papa. Ben, à la semaine prochaine. Hey, ça, c'est bien dit. Fais attention à tes genoux, Kiwan. Oui, toi aussi. Merci. C'est si précieux. Oh, on a juste deux.